La plupart des tunnels sont équipés de moyens de secours en cas d'événement plus ou moins grave. Ce panneau lumineux indique qu'à cet endroit existe un poste d'appel d'urgence à utiliser au cas où, par exemple, mon véhicule tomberait en panne. Celui-ci indique qu'au même endroit existe un moyen de lutte contre l'incendie, un ou deux extincteurs. Derrière ces portes, il n'y a pas d'issue de secours. Celles-ci sont indiquées avec ce panneau. Réponse B et C.